Bonjour et merci. Alors, nous allons nous intéresser à la date de 476 après Jésus-Christ. Pourquoi la date de 476 peut nous intéresser? La date de 476 correspond à la fin de l'Empire romain et le début du Moyen-Âge. Voilà, et c'est la date qui a été retenue officiellement, en général, par les manuels d'histoire et ceux qui se trouvent à l'éducation nationale. Mais on pourrait faire remonter en réalité la chute de l'Empire romain à des dates antérieures. Certains historiens d'ailleurs la font remonter à 380. Qu'est-ce qui s'est passé en 380 de si important? C'est la date de l'édit de Thessalonique où l'empereur Théodose reconnaît l'Église catholique, l'Église de Nicée, comme étant la seule religion officielle de l'Empire. Cela signifie donc que la chute de l'Empire romain aurait été provoquée par l'avènement du christianisme ou par la reconnaissance officielle du christianisme comme seule religion officielle de l'Empire. Alors, est-ce qu'il y a une raison de s'en réjouir ou une raison au contraire de blâmer le christianisme pour cette chute de l'Empire romain? Eh bien justement, il y a deux thèses. Alors il y a ceux qui considèrent en effet que le christianisme est à l'origine de la chute de l'Empire romain, mais c'est une bonne chose, il faut s'en réjouir. Pourquoi? Parce que l'Empire romain correspond en réalité à cette... Et là je cite le livre de l'Apocalypse qui se situe, donc c'est le dernier livre de la Bible. L'Empire romain correspond à... correspond en fait à cette prostituée de Babylone, dont la mort en réalité engendre une grande réjouissance dans le ciel. C'est une thèse soutenue surtout par les historiens chrétiens. Et puis en face, il y a des historiens qui se rattachent plutôt au courant des Lumières, comme Edward Gibbons, historien anglais du XVIIIe siècle, et qui considèrent en effet que la chute de l'Empire romain a bien été provoquée par la montée des valeurs en puissance, des valeurs chrétiennes, mais entraînant par conséquent une chute des valeurs romaines, une chute finalement des valeurs martiales, militaires de cet empire romain et qui explique qu'il ait duré aussi longtemps. Et puis d'autres considèrent en effet que 476 n'est pas du tout la bonne date à retenir, mais par contre 536. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 536 de si important? Eh bien, il est vrai qu'il y a eu un cataclysme, et ça c'est authentifié, il y a eu un cataclysme écologique d'une grande ampleur, divisant la population mondiale par deux, à suite, parce qu'il y a eu un refroidissement climatique tel que ça a entraîné des maladies, des épidémies, et donc une chute démographique considérable. Là, la thèse étant que ce ne sont pas tellement les hommes qui sont à l'origine de la chute de l'Empire romain, mais plutôt des événements incontrôlables, non maîtrisables, provoqués par des phénomènes naturels. On y retrouve d'ailleurs une vision un peu néo-païenne d'une Gaïa, d'une déesse mère, qui aurait pu provoquer ces événements naturel pour justement punir une humanité qui traite très mal la nature. Cette thèse est incarnée par l'historien américain Harper, historien de l'université d'Oklahoma, et est très en vogue dans les milieux écologistes, mais aussi les milieux New Age, très présents sur la côte ouest américaine. Et puis, là, nous allons nous intéresser donc à la date de 476. Pourquoi finalement 476 a été retenue par nos manuels d'histoire? 476, très exactement le 4 septembre 476, un membre de la garde rapprochée de l'empereur, du dernier empereur romain d'Occident qui s'appelle Romulus Augustule, ce membre de la garde rapprochée s'appelle lui Odoacre, envoie une délégation de sénateurs romains avec une lettre auprès de l'empereur romain d'Orient, Zénon. Et la lettre est très simple, elle est écrite dans ces termes assez explicites, qui est l'Empire romain d'Occident n'a plus besoin d'empereur pour se gouverner. Et les sénateurs remettent à Zénon, en réalité, les ornements impériaux. Dans une certaine mesure, les sénateurs reconnaissent finalement Zénon comme le seul empereur en titre de l'Empire romain. Mais en même temps, la lettre est écrite de telle sorte que finalement, eh bien, les sénateurs reconnaissent les faits, c'est-à-dire que finalement, il n'y a plus d'empereur à l'ouest de l'Empire romain. Donc, si Zénon refuse le contenu de cette lettre, d'ailleurs, ça sera le cas, Zénon refusera le contenu de cette lettre, demandera à ce que ce soit en fait Julius Nepo qui soit reconnu comme empereur. Julius Nepo était en effet le dernier empereur romain d'Orient avant que l'usurpateur Romulus Augustule prenne sa place. Eh bien, donc Zénon va demander à ce que ce soit Julius Nepo qui soit reconnu. Mais Odoacre refuse. Et donc, si Odoacre refuse que Julius Nepo soit reconnu comme le dernier empereur romain d'Occident, alors que Zénon insiste pour que justement Julius Nepo soit toujours reconnu comme le dernier empereur romain d'Occident, eh bien, en fait, cela entraîne de fait la chute de l'Empire romain d'Occident. Par contre, si l'empereur Zénon accepte la lettre en disant oui, en effet, Romulus Augustule n'est plus empereur et Julius Nepo finalement non plus, et j'accepte aussi les ornements impériaux que Odoacre me remet, grâce au sénateur romain, eh bien, je reconnais finalement que je suis le seul empereur romain qui reste, tout en acceptant de fait qu'il n'y a plus d'empereur romain à l'ouest. Alors, c'est donc en réalité, Zénon se retrouvait dans la situation où, qu'il accepte ou qu'il refuse, en fait, l'ouest était forcément se retrouvait sans empereur romain. Point barre. Grâce à la formulation de la lettre. Et symboliquement, le fait aussi que la lettre lui ait été présentée par les sénateurs romains. C'est-à-dire que c'est bien les sénateurs romains qui sont à l'origine qui sont à l'origine de la grandeur de Rome. Et c'est donc aussi les sénateurs romains qui remettent cette lettre, et dont l'acceptation ou le refus d'ailleurs entraîne la fin de l'Empire romain d'Occident. Donc, pour dire qu'en réalité, les historiens qui retiennent la date de 476 comme étant la seule date importante, finalement, considèrent que pour qu'on reconnaisse la chute de l'Empire romain, il faut que cette chute de l'Empire romain ait été actée, ait été constatée par les Romains eux-mêmes. Donc, ce sont les Romains eux-mêmes qui ont mis fin à leur propre empire. C'est la thèse légaliste. C'est la thèse, finalement, qui donne aux Romains le dernier mot de leur histoire. Donc, voilà. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que ce sont les hommes ou les événements qui font l'histoire? La réponse est claire dans ce cas-là, et dans le cas de nos manuels d'histoire, surtout l'éducation nationale, ce sont bien les hommes qui font l'histoire. Merci et à bientôt.